ces démons. J'plique mes go, criminogène, violence à agneau dans mon argot. Et quand ils descendent chez nous les keufs, ils guettent en haut, leur balancer un frigo. Satisfera-t-il mon ego? Leur faire pire, nous pourrir, faut qu'on oublie nos noms de famille. Salis, 6h du mat, quand ils viennent nous sortir du lit. L.A., victime masculine, assassinat, eux diront que t'as oublié ton insuline. J'suis pas de ceux qui t'ont leur veste pour chanter l'espoir. Les cris restent finesse, toutes nous pissent mon purgatoire. Fallait que j'blesse leurs poètes sans faire parler la poudre. Tiens les poutres, ce son c'est grandir parmi les fauteurs de troupes. J'm'inquiète plus, moi j'ai trempé la plume dans le sang. J'suis un diplôme pur qui n'a pas dit un mot consent. Brolique verbale, et ce depuis que j'suis adolescent. J'ramène la thèse au studio via un barret d'essence. Du rap de Tej, neige, la finesse, l'écriture. Un flot funèbre, c'est pour nos morts sans sépulture. La nuit on fume de l'herbe, un brolique fan de merde. J'ai tué le verbe, j'pousse la porte des ténèbres. Du rap de Tej, neige, la finesse, l'écriture. Un flot funèbre, c'est pour nos morts sans sépulture. La nuit on fume de l'herbe, un brolique fan de merde. J'ai tué le verbe, j'pousse la porte des ténèbres. Fleury, c'est fenêtre en forme de croix pour la réminiscence. Moi j'crache sur ton code pénal, ma pisse c'est de l'essence. Là pour entrer en tôle, qu'on nous demande pas de CV, on en sort les pieds devant. Et souffler à moitié crevé, le visage du métier sur une civière jamais rêvé. Les gourmettes, la souricière de ma lucier qui vient de crever comme 11-43. J'fais pas dans la demi-mesure, ma première 103. Un coup de crosse, mon 16 mesure. Une déflagration, déchire tout seul blasure. Couper les chines, impossible, j'ai mis de l'acide dans leurs urnes. C'est la roulette russe qui tourne, j'ai nous passé de la fortune. Injection de sim dans le dume, j'suis de ces gens taciturnes. Carnage, Paris place, c'est cool, y'a rien à dire. Baignade interdite. Sauf pour ceux qui se font froidir. Trop merde dans la scène, de quoi péter un câble. Ils foncent le corbillard cap. Pourquoi nos rimes sont si macabres? La concurrence nous laisse de marbre. Les faibles sont des femmes. Dissident impossible, déracine un arbre. Du rap de Tej, neige, la finesse, l'écriture. Un flot funèbre, c'est pour nos morts sans sépulture. La nuit on fume de l'herbe, un brolique fan de merde. J'ai tué le verbe, j'pousse la porte des ténèbres. Du rap de Tej, neige, la finesse, l'écriture. Un flot funèbre, c'est pour nos morts sans sépulture. La nuit on fume de l'herbe, un brolique val de merde. J'ai tué une verbe, j'pousse la porte des ténèbres. La rue je l'aime, même ça me fait morfler. C'est perfusion pour calmer la douleur. C'est des spliffs à la morphine. Criminogène, on se parfume à la paraffine. Mon urine sur l'instru, les putes se posent en ballerine. Une cicatrice à la figure, ma figurine. De larmes et de sang, fusil à pompe en featuring. J'ai connu l'opposé, les booms à Vincennes. HLM, les keufs qui tiennent, les lits superposés. Qu'ai-je à proposer, des bâtiments à perte de vue. La houle bleue se méprisait, des côtes prises en garde à vue. Juste époque où l'on prend la guerre pour m'aide. Pas venu pour faire rire, mon rap n'arrive pas à distraire la plèbe.